Chapitre 20e. Denisot avait des idées si particulières sur la justice que le colonel trouva tout naturel qu'il se fût adressé à lui pour faire mettre Anatole en liberté. Cette liberté étant une affaire d'argent pour le Manchot, il avait été où il savait trouver de l'argent. Mais Thérèse, ce n'était point à l'homme d'argent qu'elle avait pensé dans son désespoir, et l'idée de fortune n'avait été pour rien dans son inspiration. Si elle était venue à lui, c'était poussé par la sympathie, l'estime et la confiance. Elle avait cru à la toute-puissance de son secours parce qu'elle avait foi en lui. Ce fut sous cette pression qu'il se rendit chez Raphaël aussitôt que Denisot l'eut quitté, car il était indiqué que c'était par la comédienne qu'il devait commencer ses démarches. Si elle ne pouvait pas faire mettre Anatole en liberté, elle devait au moins, mieux que personne, savoir comment rendre évidente l'innocence de son amant, si innocence il y avait. Mais la femme de chambre qui répondit à son coup de sonnette et vint lui ouvrir la porte lui annonça avec toutes les démonstrations d'un vif regret que madame ne pouvait pas recevoir, attendu qu'elle était couchée et souffrante. « Prenez votre maîtresse que c'est le colonel Chamberlain qui demande à la voir pour une affaire de la plus haute importance. « J'ai bien reconnu monsieur le colonel, mais même pour lui, je ne peux pas réveiller madame. » Il mit un louis dans la main de la camériste, mais tout en acceptant le louis, celle-ci refusa de manquer aux ordres de sa maîtresse. Il s'agissait de la santé de madame. C'était dans l'entrée que ces discussions avaient lieu. Tout à coup, on entendit une clé grincer dans la porte du palier et cette porte s'ouvrit devant Raphaël, elle-même qui rentrait. « Votre femme de chambre m'assurait que vous étiez au lit et souffrante, » dit le colonel en riant. « Madame sera sortie sans que je l'entende, » répliqua la camériste, qui ne se démonta pas. « Si madame m'avait prévenu, je l'aurais accompagnée au bain. » Mais ce n'était point une toilette de bain. Une toilette du matin que portait Raphaël, c'était une toilette de course, celle que, précisément, le colonel lui avait vue la veille en voiture. Sans relever ce détail, qui ne le regardait pas d'ailleurs, il lui dit qu'il avait à l'entretenir d'une chose très grave et qu'il la priait de donner des ordres pour qu'on ne les dérangeât point. « Monsieur le colonel a vu comment je savais défendre une porte, » dit la camériste en souriant. « Il peut être tranquille. » Raphaël, passant la première, introduisit le colonel dans un petit boudoir attenant à sa chambre à coucher. Le meuble de ce boudoir, dont les murs et la porte étaient capitonnés de lampas de la Chine, se composait d'un large canapé, d'un petit bureau en laque et d'une seule chaise. Mais ce qui attirait surtout le regard, c'était, suspendu vis-à-vis le canapé, le portrait d'un jeune homme vêtu d'un veston de velours gris à la boutonnière duquel éclatait une fleur rouge. Raphaël fit asseoir le colonel sur le canapé et resta elle-même debout pour se débarrasser de son mantelet et de son chapeau. « C'est d'un de vos amis, » dit le colonel, « qui est mon parent, mon cousin, que j'ai à vous entretenir. « Anatole, vous le reconnaissez ? » s'écria-t-elle. « Ah, colonel, vous êtes un homme. « J'étais venu hier pour vous parler de lui, » dit-il sans paraître touché de cet éloge, « mais au moment où j'arrivais devant votre porte, vous partiez pour les courses. « Il l'a bien fallu. » Et vous ne devez pas me condamner, en croyant que j'allais là pour m'amuser, au lieu de rester à pleurer dans ma chambre. M'amuser, j'avais bien le cœur à m'amuser, et je me suis vraiment bien amusé pendant cette journée et cette nuit. Si vous saviez, si je pouvais tout vous dire. Un seul mot, il l'a fallu. Anatole lui-même me dit de faire comme j'ai fait. Vous devez comprendre, continua-t-il, que je n'ai pas à m'occuper de ce que vous avez fait ni à l'apprécier en bien ou en mal. « Je viens seulement vous demander ce que vous savez à propos de cette affaire. » Pendant qu'il parlait, elle avait ouvert un tiroir à secret du bureau et elle avait placé dedans une liasse de billets de banque qu'elle avait tirée de la poche de sa robe. « Ce que je sais, » dit-elle en poussant vivement le tiroir, qui se referma seul, « c'est qu'il est innocent. Oh, cela je vous le jure. Cependant, il y a un mot de vous qui, si vous l'avez dit, fournit une arme à ceux qui l'accusent. On prétend qu'on vous a entendu dire à l'une de vos amies, au moment où M. Amenzaga entassait mes billets devant lui, « Ah, si Anatole était là !» Ce mot est vrai, mais ce qui est faux, c'est le sens qu'on lui donne. Vous allez le voir, il faut que vous sachiez tout, et vous le saurez. Vivement, elle vint s'asseoir sur le canapé auprès du colonel. Vous alliez jouer votre coup de 160 000 francs. Le prince Mazzazzoli me prit à part et me dit que, comme vous étiez volé par M. Amenzaga, je devais faire cesser le jeu. Il me donna la preuve de ce vol en me montrant les cartes dont les tranches étaient plus blanches. C'était bien difficile à une femme de faire cesser le jeu dans une pareille circonstance. je m'adressai à une personne qui avait le droit d'intervenir et de parler haut chez moi, parce qu'elle était chez elle. Mais cette personne eut peur du scandale, en réalité peur de sa femme, et elle refusa de s'interposer entre nous. Je courus à une autre, qui elle aussi pouvait jusqu'à un certain point parler, mais celle-ci refusa aussi, par peur de sa fille. Cela me gêne terriblement, ce que je vous dis là, mais je sens qu'il faut le dire. Je courus à un troisième, à un quatrième, ils refusèrent, celui-ci pour une raison, celui-là pour une autre. Ce fut alors que, dans un moment d'exaspération, devant cette lâcheté, je dis à Balbine, mon amie intime, « Ah, si Anatole était là !» Ce mot fut entendu par une autre et depuis répété. Que voulait-il dire? Une seule chose, qui était qu'Anatole, dans la position de ceux qui venaient de refuser d'intervenir, n'aurait point eu leur lâcheté et aurait su empêcher qu'on continuât de vous voler. Vous comprenez maintenant si ce mot est une charge contre lui. Il était évident, si les choses s'étaient passées ainsi, que ce mot, qu'on avait faussement interprété, n'avait plus aucune importance. Mais il restait à savoir, pour prouver l'innocence de l'accusé, s'il n'avait pas pu donner à un complice les renseignements qui avaient fait commettre le vol. Ce fut sur ce point que le colonel interrogea la comédienne. Celle-ci répondit que la partie de jeu avait eu lieu entre 2 heures et 2 heures et demie, qu'Anatole était venu chez elle à 2 heures 3 quarts seulement, et que, comme il était resté jusqu'à 8 heures du matin, il n'avait pu prévenir personne. Si on l'avait vu s'entretenir sur le boulevard avec un inconnu, c'était avant qu'il entrât, c'est-à-dire quand il ne savait rien. Et qui peut prouver qu'il est resté chez vous de 3 heures moins le quart à 8 heures du matin? Moi d'abord, et puis le concierge, qui l'a vu monter, et qui a dû le voir descendre. Malheureusement, le concierge est parti le matin à 9 heures pour son pays, au fond de la Nièvre, dans un village perdu, où il n'y avait pas moyen d'envoyer de dépêche. Mais il revient demain, et alors nous pourrons prouver l'innocence d'Anatole. Vous la donnerez, cette preuve? J'entends que vous affirmerez ce que vous me racontez. Si je la donnerai, et pourquoi donc ne la donnerai-je pas? Parce que ce sera faire connaître la vérité. Eh bien, on la connaîtra. Je la leur ai déjà dite, d'ailleurs. Hier, ils sont venus me reprocher d'avoir pour amant un faubourien, un pâle voyou, comme l'appelait votre ami Gaston de Pontperran. C'était abominable, honteux, inimaginable, non pas l'amant, mais le faubourien. Sont-ils bêtes? Elle s'était levée, et debout, adossée à la cheminée, elle parlait avec les gestes dramatiques et la mélopée traînante du théâtre. Car si peu comédienne qu'elle fût, elle était assez cependant pour ne pas pouvoir se débarrasser de son éducation théâtrale, même lorsqu'elle était entraînée par un sentiment sincère. Les paroles étaient vraies, mais le ton était faux. « J'ai pour amant un faubourien. »« Eh bien oui, c'est vrai. J'ai pris ce faubourien pour amant parce qu'il a du sang dans les veines, parce qu'il a un cœur dans la poitrine, tandis qu'ils n'ont ni cœur ni sang, ni rien qui vive, et qu'ils ne sont que des marionnettes et des crevés. Ils le méprisent parce qu'ils les supportent. Et eux, est-ce qu'ils ne se supportent pas les uns les autres? Ils veulent une femme connue qui fasse parler d'eux, qui les pose, qui sont leur gloire. La seule, bien entendu, qu'ils acquerront jamais. Mais elle coûte cher, les femmes connues. Alors, comme on est économe ou bien comme on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine somme, on ferme les yeux et les oreilles. On ne vient qu'à des heures bien réglées. On ne veut rien entendre, rien voir, rien croire. Si vous saviez comme tout cela est lâche, plat, misérable. Elles veulent que nous les aimions, nous qui les connaissons. Ah, si l'une de nous voulait raconter tout ce qu'elle sait. Le colonel examinait curieusement cette femme que la colère et la passion animaient. Voyous, pâle voyous, les imbéciles. Puis, s'interrompant tout à coup pour passer dans sa chambre, d'où elle revint aussitôt en apportant un album qu'elle posa sur les genoux du colonel. « Regardez donc dans cet album, dit-elle, si parmi tous ceux qui s'étalent là, il y en a un seul qui baille le pâle voyou. » Et de sa main tendue, elle montra le portrait suspendu vis-à-vis le canapé. « C'est lui ? » demanda le colonel en regardant avec surprise ce portrait. « Je l'ai fait placer ici hier et maintenant, il restera toujours. Le voilà, le pâle voyou, regardez-le. » Le colonel n'avait pas besoin de cet encouragement. Il était certain que le pâle voyou était un beau garçon et même un trop beau garçon. La tête fine et couronnée de cheveux noirs arrangés d'une façon prétentieuse était vraiment jolie, mais avec quelque chose de fuyant dans le front et d'hésitant dans le regard, qui produisait une impression d'inquiétude. On se demandait quel était cet homme, et l'on restait sans trouver une réponse. Le visage sans barbe était efféminé, le torse au contraire était vigoureux. Au reste, nulle ressemblance avec son père ni avec sa sœur. « N'est-ce pas qu'il est beau ?» dit Raphaël d'une voix émue, « et qu'on doit être fier de l'aimer. Et je l'aime. Il est à moi seul. Je ne suis pas associé avec mes amis pour l'avoir. Je n'ai pas besoin de combiner des heures pour lui laisser sa liberté. Il est à moi, le jour, la nuit, quand je veux, et il m'aime. Si je ne l'aimais plus, il me tuerait. Si je vous dis que je n'ai vécu que depuis que je le connais, me croirez-vous ? » Alors, s'asseyant sous le canapé, prenant l'album qu'elle ouvrit, « Lequel de ceux qui sont là peut remuer le cœur d'une femme et lui donner une sensation nouvelle ? Est-ce celui-ci ? Est-ce celui-là ? » Tournant les feuillets de l'album d'une main dédaigneuse, elle était arrivée au portrait du duc Charmont. « Oui, » dit-elle en s'arrêtant, « en voilà un qui est un homme. Mais ses maîtresses, il les méprise comme s'il était honteux de les avoir aimées une minute. Tous les autres sont jetés dans le même moule. Qui en connaît un les connaît tous. À vivre près d'eux, avec eux, l'ennui vous gagne. » L'écœurement, et à la longue on se laisse aller à chercher quelque chose qui vous secoue et vous change. » Puis, s'arrêtant et fermant l'album, « Mais pourquoi vous dire tout cela ? Vous n'en avez pas souci, n'est-ce pas ? Et peu vous importe de savoir quelle influence Anatole a pu exercer sur moi. Ce que vous voulez, c'est être certain qu'il n'est pas coupable et que je ferai tout pour prouver son innocence. Eh bien, cette certitude, vous pouvez l'avoir. Quand une femme comme moi aime un homme comme lui, elle ne l'abandonne pas. »